Marco. Rap éclectique. Likes de Marco. Marco. Quelle belle histoire. Marco. Marco. Marco, ton AX, elle est cotée. On a essayé de te la voler, même quand elle est garée. On a essayé de te la voler à côté d'un poupé. Marco, ton AX, elle est cotée. Sur le parking là où tu t'as fait, on a voulu te la piquer. Les voleurs sont envolés, Marco. Ton AX, elle est bien cotée. Ton AX, elle est cotée, Marco. En sortant de chez le boulanger, les petits branleurs sont fait serrer. Les flics les ont emmenés, Marco. Ton AX, elle est cotée. Ton AX, elle est cotée, Marco. Les gendarmes de Seignelay sont venus te signaler. Les gendarmes de Seignelay qu'on les avait retrouvés. Marco, ton AX elle est cotée. Marco, ton AX elle est cotée. Marco. Marco. Marco. Derrière le rideau sans teint, tu as perdu ton latin. Il a fallu le reconnaître. Tu n'avais pas tes lunettes. Tes lunettes, Marco. Ton AX elle est cotée. Ton AX elle est cotée, Marco. Marco, ton AX elle est cotée, cotée, cotée. Il a fallu porter plainte pour pas qu'elle soit repeinte à coup de météorite, ta belle et ta chère AX. Marco, ton AX, elle est restée. Marco, ton AX, elle est cotée. Marco, on a essayé de te la voler, même quand elle est garée. On a essayé de te la voler à côté d'un coupé. Marco, ton AX, Marco, elle est cotée. Marco. Sur le parking, là où tu t'as fait, on a voulu te la piquer. Les voleurs sont envolés, Marco. Ton AX, elle est cotée. Marco. Ton AX elle est cotée. Marco, ton AX elle est cotée. Côté, côté, Marco. Ton AX elle est cotée. En sortant de chez le boulanger, les petits branleurs sont fait serrer. Les flics les ont emmenés. Marco, ton AX elle est cotée. Côté, côté. Marco, ton AX elle est cotée. Rap éclectique. Ton AX elle est cotée, Marco. Marco. Les gendarmes de Seignelay, Marco, sont venus te signaler. Les gendarmes de Seignelay, qu'on les avait retrouvés. Marco, ton AX elle est cotée. Marco, ton AX elle est cotée. Marco, ton AX elle est cotée, Marco. Ton AX elle est cotée, Marco. Marco. Marco, ton AX elle est cotée. Marco, ton AX elle est cotée.